4, 8, non pas 8, 7. 7. C'est mes 7. 7 et 3, 10. Donc tu peux aller sur cette case-là, mais tu ne peux pas atteindre celle-ci. Du coup, c'est une souffrance, un sacrifice. Alors le 5. 5, 5. Enfin, 4 fois 5, oui. C'est une offrande. Une offrande. Dans une instance, je dis ce que je donne au monde. Faut que je réfléchisse à ce que je donne. Et si tu joues cette instance, alors c'est un truc que j'aurais pu dire à Xavier avant qu'il ne renonce à jouer, tu récoltes l'ivraie. Ok. Bon, bah, je vais essayer de jouer et de trouver qu'est-ce que je veux sacrifier. Alors, c'est pas un sacrifice, c'est une offre, une offrande. Voilà, c'est une forme de communion avec le monde. Le monde, au travers d'Afi, il va se découper en deux aspects. Le décor, avec la forêt, la faune, etc. Et les figurants, qui comprennent les chimères et les orlas. Donc, tu vas, ça implique que tu offres quelque chose à cet ensemble. Donc, est-ce que tu veux jouer cette offrande ou passes-tu ton tour et accumules-tu la... Et toi, si tu fais à peu près le même score que moi, toi aussi, tu pourras le... Je pourrais, de la même façon, j'aurais le choix qui me sera offert de jouer mon instance ou non. Mais tu pourrais te temporer de livrer. Au même stade, oui, je pourrais, si je vais sur l'offrande, oui. Mais donc, loi, t'en as 7, plus 4, ça fait 11, donc il te manque, en fait, 5 pour pouvoir aller sur la case suivante, directement. Donc là, tu peux jouer l'offrande, et si tu joues l'offrande, 7, tu vas semer 2 graines supplémentaires, et tu vas récolter l'ivraie. À la fin de ton instance, l'ivraie va venir s'ajouter aux graines que nous avons. Je sais pas quoi donner, en fait, c'est ça le problème. Ça me dérange pas de donner quelque chose, mais je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce que cela pourrait être pour Leslie ou Valéria? Que pourrait-elle offrir? Qu'est-ce qu'elle possède, déjà? Je sais pas. Des enfants! Tiens, un enfant, je te le donne! Non, non. C'est pas... J'ai des amis, je crois. Oui, j'ai des amis. Alors, parmi ces enfants, est-ce que... tu pourrais peut-être leur offrir une autre perspective que celle d'entreprendre la lutte que tu jugeais particulièrement déséquilibrée contre les Ouros. Peut-être que l'offrande, ça consisterait à offrir un avenir enviable à l'un de ses enfants. Comment lui offrir cela? Je ne sais pas. On faisait un endroit habitable. Un refuge? Oui, un refuge. En offrant un refuge. En offrant un refuge à ses enfants. Je pourrais squatter. C'est pas un cadeau, alors, si je peux en profiter aussi. Voilà. Ça doit être désintéressé. Tu leur offres, et ça veut dire que ce que tu vas offrir à cet enfant, au choix, c'est à chaque fois... Quand j'écris le monde dans Afi, le monde, c'est le tout. Si c'est pas le tout, si tu vas agir sur un aspect du décor ou un figurant, tu vois, tu vas changer d'unité, tu vas en deçà de l'ensemble. Donc là, faire une offrande, c'est faire soit une offrande au monde, à la forêt, en l'occurrence, soit faire une offrande à un figurant. Donc il faut que tu choisisses un figurant à qui tu voudrais faire un don. Des vêtements, ça compte? Parce qu'il y en a une, elle a pas beaucoup de vêtements quand même. Mais toi, en as-tu? Non. Personne en a. Sinon, ça se fait pas. Faut que je trouve autre chose. Tu te souviens à cet égard de la façon dont vous étiez accoutrés? D'algues, c'est pas terrible. Mais après, c'est moi aussi, j'en profite dans tous les cas. Donc, on ira chercher des vêtements. Mais faut que je trouve quelque chose à donner aussi. De l'argent? Non, j'en ai pas. Tu peux l'inventer dans l'histoire, tu peux inventer la ressource. Mais sitôt que tu l'aurais inventée, ce que ça implique, cette instance d'offrande, c'est que sitôt que tu aurais inventé cette manne, cette provente dont tu pourrais user, tu t'en nies le bénéfice pour toi. Et pour les personnages qui seraient en jeu. Bah, une certaine forme de protection, alors, je sais pas, moi. Ça peut être immatériel comme matériel. C'est à toi... t'es pas obligé de le fixer au début de ton instance, c'est simplement le fait de déterminer la nature de l'instance ou sa résolution, c'est dire, là, cet arc narratif, il va aboutir à cette situation. Il va s'achever sur cette situation. Leslie Valeria va faire une offrande à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, dans Afi, je l'ai écrit tel que, je suis revenu au grec. Donc, l'offrande en grec ancien, ça s'appelle prosphore. Et la prosphore, c'est également le nom de l'offrande christique. C'est le nom que l'on donne à la matérialité que confère le rituel de la messe au corps du Christ personnifié dans l'hostie. Ce qu'on appelle actuellement l'hostie, qui est de l'eau, du sel seulement, de l'eau, du sel et de la farine. Ce petit pain, il était différent dans la culture slave, qui a conservé le rituel dans sa rusticité. Et donc la prosphora, c'est une hostie beaucoup plus épaisse. C'est vraiment un petit pain. C'est un petit gâteau qu'on va mouler. Okay. Avec c'est tout droit. Là, c'est le tampon qui sert à imprimer la pâte. La forme qu'aura l'hostie ensuite. D'accord. Donc l'hostie que nous avons dans nos régions, c'est une toute petite tranche fine de pain qui est presque qui est aussi fin qu'une feuille de papier. Quand tu le poses sur ta langue, ben ça fond parce qu'il y a très peu de matière. La prosphora orthodoxe est totalement différente, c'est comme tu le vois, une espèce de petite brioche. D'accord. Donc, tu peux, dans ton instance, aller dans cette direction. Et on peut évoquer les rituels qui ont lieu dans l'église d'Arvo. Je crois que je vais passer mon tour, je crois. Tu veux pas jouer l'offrande? Si jamais tu l'as, je préfère que c'est toi qui le joues, comme ça... Si toi, tu renonces, là, je vais, moi, jouer le Horla. Oui. Puisqu'il faut le tour du Horla. C'est l'autre joueuse qui joue le Horla, donc je vais jouer le Horla. Et toi, t'auras pas eu ton instance. C'est un choix tactique que tu fais. Au pire, on verra au fur et à mesure. On verra au fur et à mesure. Oui, mais là, c'est un choix de toi, joueuse, Alexane. Est-ce que tu renonces effectivement à ton instance parce que tu ne pourrais jouer qu'une offrande et tu ne souhaites pas jouer une offrande? Ou envisages-tu de te glisser dans cette instance-là avec l'offrande pour essayer de voir ce que ça pourrait être pour ton personnage? Je vais jouer l'offrande. Je joue l'offrande. Tu joues l'offrande? Et je verrai ce que je vais offrir pendant l'instance. D'accord. Donc, c'est ton instance, c'est toi qui la commences. Est-ce que tu veux de la musique pour t'accompagner? Bah, je veux bien. Mais du coup, pendant mon instance, tu décriras le décor ou pas? Tu as autorité sur le décor également, donc ouais. C'est à toi de savoir si tu veux que j'intervienne. Et c'est toi qui me dis ce sur quoi je peux intervenir ou pas. Je pense que tu peux intervenir sur le décor. C'est toi qui fixes... Pour celle-là, je pense que tu peux intervenir sur le décor. D'accord. Alors le décor, c'est à la fois l'environnement physique de nos personnages et... La situation. Ouais, peut-être la temporalité en fait. Oui. C'est-à-dire quand nous nous situons, si nous avons... Juste, tu pourrais faire à la suite. C'est tout. À la suite, d'accord. Du coup, c'est moi... Alors, j'ai ajouté à notre... dispositif, la stèle au cœur des plaines, créée par Com, et donc pour le décor, je vais utiliser un élément de... Je vais le compléter avec, en reprenant connaissance de ta carte nervure. Enseveli sous les fleurs, comme si la fête du printemps avait encore cours. On s'attendrait presque à ce que les villageois fussent au bord de la rivière d'eau lourde qui court le long de la voie des chutes. Cette vague sente qui s'enfonce dans les ténèbres de la forêt et qui glougloute à l'unisson de la rivière. On s'attendrait presque à ce que les villageois se fussent massés sur la berge pour lâcher de petites barques avec à leur bord sur un petit fagot de petits bûchers qui emportent leur passion triste sur le cours de l'eau qui l'emporte. l'emporte avec le renouvellement de la saison, avec la venue des fleurs. C'est le moment où les grands, tous les adultes, ceux qui ne sont pas des gentils, ceux qui n'observent pas les principes du vieux, ceux qui se sont fourvoyés et que les ouraux se jugent mécréants, se coulent à la nuit venue, la longue nuit, se coulent dans les ténèbres du bois pour se livrer en toute liberté à ce qu'ils appellent l'amour. Et là, sur les berges, sur le seuil des maisons, des petites maisons de bois qui forment le village, sur les avant-toits des greniers, partout poussent drus de grands massifs de fleurs. Ces mêmes fleurs que l'on voit se répandre au temps où, dans un temps infime, les moines de Kiev se récrieraient et on appellerait à la milice Ouros pour jeter au bûcher les impies, les mécréants qui se coulent dans le bois. Mais dans ce village, il y a une église qu'entretient le bon Arvo, qui se signe comme il faut et qui respecte les principes du Christ. Tu as entendu, il y a peu de temps encore, sur la berge même de cette rivière, Tatiana, celle qui connaît les simples, d'entretenir des principes du Christ et du respect de la parole du vieux. Et le village est presque désert dans ce matin calme. Il y a une vieille semblable à Tatiana, mais ce n'est pas la même, ce n'est pas elle. Au prime abord, la chevelure blanche hirsute qui a fait songer, mais en t'approchant d'elle, tu as tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas de Tatiana, mais d'une autre. Une vieille personne également, toute maigre, un sac d'os, les replis épais de son caftan, alors que partout autour poudroient les pollens, et que tu sens toute la chaleur de l'été encore présent. Elle a un visage osseux, un regard clair, mais sitôt qu'elle porte ce visage dans ta direction et te voit approcher d'elle, tu vois que son regard est vide et porté dans le lointain. Il me son menton s'agite et elle se parle à elle-même. Agite sa langue et sa bouche déformée par l'absence de dents. Probablement qu'elle n'en a guère. Elle est toute vieille et ses mains sont pareilles à des serres serrées et étreignant une balancelle où devrait reposer un enfant, mais c'est juste une bûche qu'elle berce. Regarde, mais son regard ne se porte pas directement sur toi, mais bien que tu sois debout devant elle et que tu lui caches le peu de soleil qui passe au-dessus des fonds des ombres, et par-delà la brume, elle regarde fixement ce qui reste du soleil dans le nuage de pollen. Je suis là. Et où ? Elle-ci. T'entends plus bien, ma fille. Faut parler plus fort. Je suis là. Ah, hein. C'est un peu tard. C'est pas le moment de la soupe. C'est plus tard, la soupe. Oui, mais c'est pas pour la soupe que je suis là. Mais pourquoi es-tu là, ma petite? Bah, je venais juste vous dire bonjour. Bien le bonjour, ma petite. Vous allez bien? Aussi bien que mes os le permettent. Oui, il s'annonce un fort orage. Pour bientôt. Pourtant, il y a du soleil encore. Bientôt, il disparaîtra sous des nuages noirs. Et comment vous le savez? Ce sont mes os qui me le disent. Ah, oui, je vois. Je vois de quoi vous parlez. Mais elle tient son genou qui repose sur l'autre. Ma petite, tu pourrais me préparer mettre sur le feu cette préparation qu'elle réduise. Ça permettra de réduire un peu mes attaques de rhumatisme. D'accord. Je vous fais ça. Tu t'affaires, tu sens monter les odeurs et tout autour de toi, toujours ces mouches noires qui volent partout de façon incessante, comme aussi empressées que des moustiques l'été venu. Et pourtant, il n'y a pas de viande à mâcher. Bizarre. Mais bon, c'est bon, j'ai terminé. Eh bien, maintenant que c'est réduit, tu peux mettre l'emplâtre sur mon genou. D'accord. C'est une espèce de pâte qui a réduit au fond de la marmite que tu dois lui mettre. Elle remonte. Ses jupes pour découvrir les jambes décharnées aux veines saillantes, aux varices innombrables et aux genoux cagneux, osseux, protubérants que tu mâches, je suppose, avec délicatesse. Sans vouloir être indiscrète, madame, pourquoi vous balancez cette bûche. Je ne balance pas une bûche, ne vois-tu pas Dimitri ? Je crois que vous avez des problèmes de vue, madame, n'est-ce pas ? Non, Dimitri est avec nous. Il s'est transformé en bûche, Dimitri ? Dimitri a été emporté... Il y a bien 3 hivers de cela. Le seul petit rejeton que j'aurais pu voir. Et les ouros l'ont pris, ma fille. Mais il avait quoi comme particularité ? Son sourire. Tu aurais vu son sourire, ma petite. Tu aurais fondu. Il était ravissant. D'accord. Il était ravissant. Ah. Quand elle te tient, elle transmet tous ses tremblements vous de vie. Vous êtes tremblante, madame. Vous tremblez comme une feuille. C'est que tu ravives ce souvenir en me parlant de mon petit Dimitri. Il était notre espoir, le dernier né du village. Ah, excusez-moi. Oh, tu n'as pas à t'excuser, ma petite. Mais toi, bientôt, tu porteras aussi un enfant. J'ai pas l'intention. Mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps pour ce genre de projet. Il y a pas de chose plus importante que porter la vie, ma petite. C'est respecter les... Le bon Dieu nous a placés sur cette terre pour procréer librement. Oui, oui. Que se répande l'amour partout sur cette terre. Hein? Oui. Ce qu'ont oublié les ouros. Vous crachez, madame. Ah, c'est eux qui ont emporté mon Dimitri et tant d'autres. C'est eux qui emporteront le village si nous ne prenons pas garde. Il n'y a plus personne pour se méfier des patrouilles des ouros. Mais oui, tu es là, ma brave petite, et puis tes amis sont là. Ils veilleront à nous protéger. À nous préserver de la furie des ouros, hein, mais, ma petite. Mais pourquoi ils vous en voudraient à vous ? Je sais qu'ils sous-estiment les personnes à peu près normales comme vous. Parce que nous ne sommes pas des vrais croyants selon eux, parce que nous ne signons pas comme le veut la bulbe. De l'antipape. Prah ! Maudit soit-il. Cet avorton. Ce rejeton du diable. Nous suivons les préceptes du bon Dieu. Hein ? Hein, ma fille ? Oui. Tu suis les préceptes du bon Dieu ? Oui. Sa main est toute sèche. Bon, j'ai fini d'appliquer votre remède sur votre genou. Oh, mais... Tu es un plus grand remède encore, ma fille. Sentir la chaleur de ta main dans la mienne, c'est me donner du baume au cœur. Et puis, tu as fait en moi ressurgir le souvenir de mon petit Dimitri. Je me souviens de lui courant dans les champs. Sa joie, son rire, j'ai vu ton sourire. J'ai vu ce sourire éclairer ton visage. Pourquoi te durcis-tu tout à coup ? Il n'y a pas de honte à sourire, ma fille. 24 heures sur 24 Non, mais il y a des raisons de se réjouir. Oui. Et il avait quel âge, votre Dimitri ? Il n'avait pas 4 printemps. Ils me l'ont arraché. Sur le bûcher à cause de son rire. son rire. Parce que son rire était malséant. C'était un rire impie, disait-il, mais c'était un rire qui emportait tout. C'est Madame l'éléphant ou... Oh, tu as rempli mon cœur, hein, petit cœur. Tu as rempli mon cœur, je n'ai pas faim. Mais toi, tu as peut-être faim, ma fille. Ça va. Mais... Elle se lève. Hein, reste avec moi, ma petite. Reste avec moi. En fait, elle est toute gracile, elle est toute voûtée. Et elle se tient, elle est aussi grande que Zorica. Avec son toupet de cheveux hirsutes, gris, blanc et jaune comme Sally. D'accord, madame. Si vous voulez, je reste un peu avec vous. Elle frissonne et puis... Elle se frotte la joue. Et puis, elle te frotte la joue comme ça. Et là, tu aperçois des soies noires. Qu'est-ce que vous faites, madame? Ah, depuis que les pollens sont sortis, j'ai la peau qui mue. C'est peut-être un retour de jeunesse, hein, qui sait, ma petite. Vous muez? Ah, c'est toi qui m'as donné cette chaleur, hein? Hein? Oui, mais vous muez, madame? Ah oui, tout le monde mue. C'est le temps de la mue. Je suis pas... Sans vouloir vous offenser, mais moi, je ne suis pas un lézard. Hein. Oh non, tu n'es pas un lézard. Tu vas bientôt pouvoir porter la vie en toi, oui. Je n'ai pas ce projet encore dans mon avenir. Ah, mais... Qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ce projet, hein? J'en ai plein d'autres qui me prennent énormément de temps. Et quel est ton projet le plus cher du moment, ma petite? Eh bien, c'est compliqué. Oh, j'ai tout mon temps. Oui. Il ne reste que ça, le temps. Elle rigole et tu vois ses quatre dents qui lui restent, ses quatre chicots au milieu de la bouche, alors qu'elle rigole à gorge déployée, elle laisse surgir sa langue bifide. Vous tremblez énormément, madame, quand même. Hein. Oui, mais tu vois, le sang coule irrégulièrement dans ce vieux corps. Oui. Il a plus la jeunesse du tien, hein, ma brave petite. Mais je te prends de ton temps alors que tu pourrais te consacrer à des choses bien plus... Ton grand projet. Tu m'as pas dit quel était ton grand projet, hein, coquine? Je sais pas comment l'expliquer. Voilà. Maintenant... Tu vas nous protéger de ces méchants ouros, hein. Ces vils cosaques. Tu vas les empêcher de prendre d'autres Dimitri, hein? Et tu vas protéger la petite Zorica, hein? Oui, plus ça va, plus vous tremblez, madame. Ah, ma petite. Et vous avez quel âge? Sans vouloir être indiscrète, hein. Madame? Je compte les hivers, je compte les disettes. Mais je sais plus compter comme ça, c'est trop loin. J'ai bien trop vécu, ma petite. Hein? Oui. Ah. Aide-moi. Et elle fait mine de se diriger vers l'un des greniers. Ces petits habitacles sur pilotis, tout en tenant encore ta main toute tremblante. Et elle pose sa main, son autre main tremblante sur ton épaule. Aide-moi, j'ai égaré ma canne. Si vous voulez, je vais vous la chercher. Restez ici. Amène-moi jusqu'à ce grenier. D'accord. Bah, je l'amène jusqu'au grenier. Elle s'installe à côté du grenier, s'assied, écarte quelques touffes d'herbe, t'invite à s'asseoir à côté d'elle. Quel est ton grand projet, ma petite ? Bah, comme vous l'avez dit, en quelque sorte, vous sauvez des ours. Oh, tu vas le faire, ma belle. Oui, si j'y arrive, oui. Mais qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher ? Je sens que tu as au fond de ton cœur la foi pour cela. Oui, mais je suis qu'une enfant. Enfin, j'ai que 15 ans. Oh, mais c'est le bel âge. C'est celui de l'enfance de l'art. C'est là où naissent toutes les belles histoires. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est l'âge des possibles, ma belle. Oui. Du coup... Et pourquoi caches-tu ton beau front ? Parce que... Tu te méfies d'une vieille comme moi ? Je me méfie de quasiment tout le monde, donc il faut pas chercher à comprendre. Mais... Un front si altier. Oui. Je suis sûr qu'il abrite de belles idées qui mèneront loin de notre petite communauté et la préserveront de la furie des ours. Madame. Oui. Je sais pas, j'ai cru que vous étiez endormi, un truc dans le genre. Non. La vieille Irina ne s'endort pas, elle repose ses yeux. Elle ferme ses paupières. Tu vois deux autres paupières qui s'ouvrent ici. Oula. Deux autres ici. Vous avez quatre yeux. Quatre et deux, six et... Vous êtes une araignée, madame. Je suis une vieille tisseuse, ma fille. Oui, lâchez-moi. Je suis une vieille tisseuse, oui. Ah, c'est pour ça que vous avez des fils sur votre joue. Et après, je juge pas. Vous pouvez me lâcher la main, s'il vous plaît. Tu veux bien encore me donner un peu de ta chaleur pour me préserver encore cet été? Peut-être aurais-je la joie de voir l'hiver se coucher sur notre petit village et voir naître un bel avenir au nôtre. Au-delà de la Mavra. Hein? Parce que elle pousse toujours plus loin, les nôtres ne peuvent entretenir les champs, et maintenant la pourriture s'en vient, le mal blanc se répand sur nos champs, et nous n'avons plus rien à manger que les mouches. C'est pas terrible de manger les mouches. Ça nourrit son petit. La soupe est bonne ici, ma petite. Ouais. Elle est meilleure qu'à Kiev. Hein? Mais du coup, vous avez vu combien d'êtres à peu près comme moi et comme vous, je suppose ? Nous sommes guère nombreux ici. Une trentaine tout au plus. C'est déjà bien. Mais nous avons nos fantômes pour nous tenir compagnie. Et nous avons nos chers petits, comme toi, ceux que tu nous as ramenés. Hein, nos fantômes chéris, ne pourrais-tu, ma petite, m'apporter Dimitri ? Ce serait compliqué, je sais même pas comment j'ai fait pour les remonter de l'eau. C'est 15 enfants. Il faudrait... Voudrais-tu ? Voilà, il faudrait m'apporter son cadavre, un truc dans le genre. Mais vu qu'il a été carbonisé, ça risque d'être... compliqué. Wow. qui vient de... Oula. Accepterais-tu de me rendre ce souvenir? J'essaierai, si vous voulez. Ça vous évitera de percer. Je sens... Lâche. Une puissance. Posez votre main, s'il vous plaît. Je sens une puissance, ma fille, là, sous ton front. Sous mon front, c'est... Oui. Je peux pas retirer mon front. Non. Mais retire ce petit bandeau que je vois de tous mes yeux. C'est comme si moi je vous disais de ranger tous vos yeux. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Je veux bien le faire pour toi, mon enfant. Mais non, je retirerai jamais mon bandeau. Et elle baisse la tête. Je sais bien que je suis une vieille pécheresse, que c'est beaucoup te demander. Mais le prenez pas mal. Valéria. Je m'appelle pas comme ça. Oh, la Tatiana nous a dit. Oui, mais je m'appelle pas comme ça. C'est pas parce que Tatiana l'a dit que je m'appelle comme ça. Mais c'est pourtant le nom que nous a porté le vent. Oui, mais c'est pas mon vrai nom. Tu vas te révéler autrement, alors tu serais qu'une nymphe. Et qu'émergera-t-il d'encore plus beau après ta métamorphose? Quelle métamorphose? Ah, ben, tu es à l'âge de tous les possibles. Non. Ouais. Mais bon, changeons de sujet, s'il vous plaît. Et comment pourrais-tu me rendre mon petit Dimitri? Je l'ignore. Tu es versé dans les Écritures saintes puisque tu as été recueilli par notre bon père. Hein? Je suis pas la notre seule moine. Dans ce cas-là, alors. Donc, es-tu l'une de ces peintres d'icônes? Es-tu venue redorer notre iconostase de l'esprit chaud? Viens, ma petite. Non, c'est bon. Elle se déplace tout doucement comme ça et se dirige vers l'église. Viens, ma belle. Non. Mais tu craindras une vieille femme comme moi? Hein? Toi? Arrêtez de vouloir m'amadouer. C'est inadmissible. Viens, accorde-moi un peu de ton temps. D'accord. Toute tremblante, elle se dirige vers l'entrée de l'église. Elle peine à pousser la porte. Je la pousse pour l'aider. Elle s'ouvre en grinçant et vous rentrez à l'intérieur de l'édifice où brûle nombre de bougies. Cela sent le bois, la cire que l'on a étalée sur le bois. Tu vois ici, et elle te montre dans l'iconostase qui fait face à l'entrée, ce grand plateau de cuivre sur lequel repose un tableau où est figuré le vieux et une femme avec des teintes dorées. Tu vois ces icônes? Eh bien, il faudrait bien les raviver. On avait dit que mon Dimitri serait un peintre d'icônes, mais il n'a pas eu le temps pour lui. Mais comment je pourrais vous le ramener? J'ai peut-être ramené 15 enfants, mais j'ai pas fait exprès. Tu as plongé dans l'eau lourde? Tu es une fille de l'eau lourde? Tu connais ce genre de choses? Mais vous pourrez peut-être me rendre un petit service en échange alors. Je sais que c'est mal poli de demander ça à une femme comme vous. Mais que pourrais-je pour toi, moi, vieille pécheresse? Des vêtements. Oh! Oh! Mais c'est comme si c'était fait, hein? Je vais te tisser ça, ma belle. D'accord, merci beaucoup. Alors, attends. Vous faites quoi, là, madame? Vous sentez, maman? Elle s'approche et tous ses yeux regardent... Oui, je sais, je suis un peu poilu. Je sais, je n'ai pas beaucoup de... Regarde sous tous les angles ta main, ton bras, remonte. Fais un peu de surplace autour de toi, se déplace. Inspecte sous tous les angles. Et elle se penche sur toi, puis t'entends... Je suis pas faite pour manger, moi. Et là, elle vient sur toi déposer une soie toute blanche. Ok. C'est pas ça que je m'attendais, en fait, madame. Et lentement, elle te tisse une tunique d'un blanc immaculé. Avec ça, ma toute belle, tu ne sentiras plus les frimas de l'égrégore. Oui, merci beaucoup. Je sens toujours en toi cette force. Merci beaucoup, madame. Maintenant, je vais essayer de vous ramener votre Dimitri. Je vois que c'était pas la langue qui était bifide. Mais des espèces de crocs qui lui sont sortis autour de ses dents. Pourquoi, madame ? Vous avez des crocs, madame. Oui, comme moi, vous allez dire, mais bon. C'est pas une tissue, ma petite. Vous allez nous sortir des vagues du grand méchant. Hein. Je ne suis pas une grande méchante lourde. Je suis la bonne tisseuse qui veille sur toi, ma fille. Madame, oui, c'est bien. Un mètre de distance, s'il vous plaît. Comme tu voudras, ma fille. Mais pense à mon petit Dimitri. Oui, oui, je vais vous le ramener. Enfin, je vais essayer. Tu vois, ces belles icônes. C'est ce qu'il était promis à nous redonner. Et nous protéger de ces icônes et de la puissance qu'il y a dans les icônes. Je vais essayer de vous le ramener. Et merci pour les vêtements. Il faut que tu trouves l'Andrei, son père. Ok. Toi, tu voyages dans les souvenirs, ma petite. Non, je peux pas. Nous, on a perdu le chemin. Nos souvenirs sont trop méandreux. Je suis trop vieille tisseuse pour m'y retrouver dans ce dédain. Mais toi, tu peux. Mais non, je peux pas. Toi, tu peux trouver... le chemin de l'Andrei, là. Cette petite plongeait ta main dans la poitrine. Non, pas encore, j'en ai marre. Décharnée de la vieille dame. Non. Tu la sens toute tremblante. Vous voulez que je fasse quoi, là, juste? Plonge dans mes souvenirs. Non, ça va vous tuer. Fais ressurgir le brave Dimitri. Ça va vous tuer, madame. Non, ça me redonnera la vie pour que je tisse pour chacun d'entre vous. Les linceuls qui feront de vous de bons gentils. De bons gentils. Les vrais croyants, c'est ainsi qu'on les nomme. Ok, d'accord. Ceux qui respectent le dogme de l'Église. Ceux qui respectent les principes du vieux. Mais je peux pas faire ça, madame. C'est impossible. Mais si. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ben, j'ai pas envie de vous faire du mal. Tu ne feras pas de mal. Et de la vieille quittine toute rassie. Longe ta main. Ok. Plonge ta main. Ok, oui, c'est bon. Tu Là, tu rentres dans quelque chose de... C'est bizarre, madame. C'est très bizarre, votre intérieur. Ah, on me l'a souvent dit, ma fille. T'y retrouves-tu? C'est pas trop en désordre, là-dedans? Hein, vous dites ça comme si j'avais la main dans votre sac. Je n'ai plus de sac depuis longtemps, ma fille. Je n'ai plus de sac. Mais il faut aussi que tu plonges en toi. Mais non, madame, non. Je suis pas de la 4G. Et alors, replace ta main sur... vers l'endroit où palpite le cœur et t'incite à plonger plus avant. Ce que tu fais, madame, vous êtes bizarre. En aile de son autre main. Vous voulez me tuer? Pourquoi voudrais-je ta mort, petite? Tu peux m'offrir le souvenir du Dimitri. Ok, d'accord, madame. Me l'offriras-tu? D'accord. Si tu l'offres, tu vas te souvenir de sa mort. Je me souviens tellement de mort. Acceptes-tu de te souvenir de la mort de cet enfant? Oui, mais je vais pas lui raconter, imagine le traumatisme. Alors comment vas-tu lui restituer son enfant? Comment choisis-tu de lui restituer le souvenir de son petit enfant? Mais je sais pas. Dis-moi. Quoi? Dis-le-moi. Tu peux donner à la femme araignée bleue, celle qui tremble alors que tu plonges ta main dans son cœur. Mais vous l'avez vu mourir, madame? Non. J'ai juste appris qu'il avait péri sur le bûcher. Ma fille. Madame, vous tremblez, vous êtes antipreur, madame. Qu'est-ce qui va rester de cette incursion dans la vieille araignée des Cathy Irina? Qu'est-ce qui en toi se trouvera? Madame, arrêtez ça! Se trouvera pris dans les raies, la toile de la tisseuse bleue? Je sais pas. De quoi pourrait se souvenir une vieille dame? Te paraît est-elle si étrange ou est-elle aussi aimante et ouverte que le père Arvo? Comment la vois-tu? Comment la sens? La perçois-tu? Ça, regardez l'apparence, elle est sympathique. Du moins, elle est sympathique. Elle t'est sympathique? Tu la vois tenant la main de son promis. Non, je ne veux pas que tu partes. De quoi? Je ne veux pas que tu partes. Mais je veux partir. Si tu pars, jamais tu reviendras. Pourquoi? Comment? De quoi vous parlez? Jamais tu ne reviendras. C'est une jeune femme blonde, okay, regard bleu. Je pense que c'est un souvenir. Non, reste mamie. Qui suis-je? Reste Andrei. Reste mon Andrei. Non, il ne faut pas que tu cours les chemins. Tu vas t'égarer. Tu vas m'oublier. Tu vas voir tant d'autres femmes. Tu vas être tenté tant de fois de te perdre dans le bois. Jamais tu ne reviendras. Je sais que tu as semé une graine en moi, mais elle est si ténue. Elle est si ténue. Alors. Et près de toi, assise, oh, que tu as de petits doigts, mais bientôt ces doigts feront des merveilles. Elle laisse courir ses doigts tout tordus, tout crochus, sur une ta petite main toute juvénile et potelée. Oui. Qui suis-je? Oh oui, mon Dimitri. Je sais que ces doigts feront un grand œuvre. Bientôt, je suis Dimitri, ok. Bientôt, tu mêleras l'or à l'azur du ciel et tu nous redonneras sur terre ce que les dieux nous ont oublié de laisser. Tu vas nous protéger, mon petit. Suffit que tu ravives l'étoile de l'esprit chaud et alors, nous serons protégés, jamais les ouros ne trouveront le chemin. Jamais ne trouveront le chemin de chez nous. Que lui donnes-tu comme souvenir? Bah celui-là, cette, il est bien, non? Cette petite main potelée de Dimitri. Ça sera bien. Oui, ça sera très bien comme souvenir. Ça sera un beau souvenir, contrairement à sa mort. Tu penses à la mort, et là... Non, mon père. Non. Père, ne me laissez pas. Ne me laissez pas à ces affreux méchants. Ok, on a changé de place. Mon, ah, je suis vieux. Mon père, ne m'abandonnez pas, Arvo. Ne me laissez pas, ces méchants. Ils ne connaissent rien. Oh, vieux. Non, je fuis comme les autres. Et tu vois ces crocs, ces mandibules. Comme un bébé araignée. Je suis comme les autres, mon père. Ne me laissez pas aux ouros. Petite main potelée tremblante qui étreigne. Ah, telle mère, tel fils. La main ferme d'Arvo. Pas si gentil que ça, Arvo. Alors, ok. Mon bon Arvo, je sais que tu n'as pas voulu cela. Je sais que c'était le village. Mon petit Dimitri, je sais que tu as voulu nous protéger de la furie des ouros, que tu as sacrifié le petit Dimitri. Il ne faut pas t'en vouloir, mon brave Arvo. Il ne faut pas t'en vouloir. Tu es un bon père pour nous, tu es un guide. Hein? Je vais sortir de là. Tu as tous ces souvenirs qui affluent en toi et le dans cette humidité, cette confusion des temps, lequel choisis-tu d'offrir à le premier, la vieille Irina? Largement le premier. Le premier. Pas le deuxième. Non, pas le deuxième. Pas le dernier. Parce que le premier, le souvenir de son aimé qui s'en va. Mm-hmm. Non, ah oui, il y en avait 4, c'est vrai. La première, la deuxième. Parce que tu vas devoir me le redonner. Ah oui, il va falloir que je re-raconte. Voilà. Comment tu réinterprètes son souvenir? Qu'est-ce que tu lui offres comme souvenir? Bah, son premier, il est pas. Il va pleurer. Le deuxième, il est pas mal. Il est beau. Il est beau. Parce que elle est fière de son enfant. Est-ce que c'est le sien? Ça, c'est dur à dire. Pardon. Elle disait que. Bah, il pourrait. Même elle, aujourd'hui, elle a dit qu'il pourrait être peintre. Peintre d'icônes. Oui, peintre d'icônes, mais là, elle disait qu'avec ses petites mains, il pourrait faire plein de choses. Je pense que c'est le sien, je pense. Hein. Après. Je pense. Attendez, il faut que je m'en remette. Alors, qu'as-tu trouvé, ma fille? Oui, alors, c'est compliqué, madame. Qu'as-tu trouvé, ma petite? Je lui en donne qu'un. Oui, je lui en donne qu'un seul. Vous en voulez qu'un? As-tu trouvé mon Dimitri? Oui, j'ai incarné votre Dimitri. Alors, qu'est-il advenu de mon Dimitri, ma petite? Je vois pas dans le futur. Malheureusement, mais je peux vous rappeler un souvenir. Un beau souvenir, voyez-vous. Vous vous souvenez quand vous avez pris sa main en lui disant qu'il accomplirait de bonnes choses? Vous vous souvenez de ses mains douces, ses belles mains douces et potelées? Mes mains sont sèches, toutes cagneuses. Je n'ai pas ressenti de mains douces. Une main douce, s'il vous plaît. J'ai pas de main douce. Tenez, une main douce. Mais elle est pas potelée. Désolée. Hein. Vas-y, tu m'expliques ce que tu lui dis, ce que tu lui fais. Bah, je lui fais le même mouvement qu'elle lui faisait avec ses mains. C'est-à-dire, je lui touche les mains comme ça. Le même mouvement qu'elle lui faisait, qu'elle faisait à Dimitri. Vous étiez fier de lui. Mais de quoi pouvais-je être fier? Vous... Rien ne nous est promis ici. Nous vivons dans l'humilité du vieux, des principes du vieux. Nous n'avons rien que des mouches à manger. Que pourrait-il offrir maintenant qu'il est mort? Retirez de votre tête, enfin, pendant ces petits instants, retirez de votre tête qu'il est mort. Hein? Ressouvenez-vous de ce souvenir, au moins. Essayez. Tu dis qu'il n'est pas mort, ma fille? Je n'ai jamais dit ça. Je vois dans tes yeux la vie. Oui. En effet, si vous dites ça, ok, d'accord. Moi, je vois pas mes propres yeux, donc... Non, pas de photo de mes yeux. Que fais-tu? Je regarde dans tes lunettes. Non. C'est quoi? C'est littéralement un miroir. Bonjour. Waouh, que vous avez de beaux yeux. Et que vois-tu dans ce miroir? Est-ce que tu vois une vie palpitante, une vie... Thank you. souris. De quoi t'a-t-elle parlé pour Dimitri? Qu'est-ce qu'il personnifiait, Dimitri? De quoi t'as dit? Bah, sourire. Voilà. Sourire et son sourire. Où est ce miroir qui te permet de voir les yeux? Est-ce qu'il y a un miroir qui pourrait se trouver dehors? Non. Il y a ces multiples yeux à facettes dans lesquels tu te vois souriante. Mais ton sourire est un peu contrit, c'est cela? Qu'est-ce qu'il ferait s'épanouir? Qu'est-ce qui ferait que tu serais heureux d'évoquer avec elle ce Dimitri que tu n'as jamais connu? Bah, c'est dur, hein, si jamais je l'ai jamais connu. Ah si, tu l'as. Oui, mais je l'ai même incarné. Mais bon, voilà, c'est souvenir. Il était promis à sourire, à rire. Il était promis à quoi? À restaurer l'icône? Oui. Est-ce que tu pourrais aller restaurer l'icône habitée par le souvenir de Dimitri, peut-être? Mais comment on fait? Comment on fait? De quoi as-tu besoin? D'eau? D'eau? Oui. Le chiffon pour imbiber la toile? C'est cela? Oui, je crois. Tu t'affaires à la tâche? Ok. Pardon? Rien. Vas-y, dis-moi. Non, c'est bon, j'y vais. Non, mais j'ai pas entendu ce que tu as non, dit. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Bah, du coup, j'y vais et bah, je commence à. Tu nettoies. À le restaurer. Retire toutes les sanies, les chiures de mouches qui constellent l'icône pour en révéler les contours qui sont dissimulés à la fois par l'obscurité, la pénombre qui règne au détour des bougies. Lentement, méticuleusement pour raviver l'icône, celle qui protégeait le village de tout ce qui est sombre. Lorsque tu ravises l'icône, que tu lui donnes à nouveau ses ors, tu vois la procession qu'il a menée pour sanctifier ce qui est devenu l'église du petit village, pour qu'on la place dans l'iconostase. Le temps où Arvo était jeune et où l'enfant de cœur n'était autre que Dimitri. Celui qui promettait un avenir au village avant qu'il ne soit condamné au bûcher des Ouros du fait de ses difformités. Mm-hmm. Comment pourrais-tu transmettre ce souvenir fugace que tu as laissé apparaître en frottant la toile, outre le fait que maintenant l'icône resplendit, et tout ce temps la vieille tisseuse s'est tenue rencornie sur l'un des prie-dieux à t'observer et à mâchonner à côté de toi. Seul bruit perceptible en dehors de ceux que suscitent tes mouvements, les tissus sur la toile, les tissus qui goûtent de l'eau lourde puisée dans la rivière. Comment pourrais-tu transmettre ce souvenir que tu as en toi? Le redonner à la vieille. Je ne sais pas. Comment lui offrir? Pour qu'il revienne en elle. Qu'est-ce que fait une maman pour son enfant? Elle le protège. Mais qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Elle lui donne à manger et elle s'en occupe. Elle lui donne à manger. Et pourrais-tu, toi, nourrir la vieille? Mais elle voudra pas. La nourrir... Avec des cailloux? D'une offrande? Mais de quelle offrande? Une prosphorade que tu préparerais, toi, de tes mains, okay, pas de en pensant à Dimitri, cheminant avec l'arveau jeune, sous le regard inquisiteur de toutes les dames du village, dûment couvertes. Arveau, son père. Arvo, le père. Attends, quoi? Ou Arvo, son père. Tu pétris la pâte et ce sont les idées qui te viennent pour faire une belle prosphora. Il faut marquer du sceau la pâte avant la cuisson. Le sceau. Lorsque tu imprimeras le sceau, le souvenir sera scellé dans la prosphora et lorsqu'elle la mangera, elle ingérera ou recouvrera ce souvenir. Okay. Ben après, je lui donne. Était-elle là? Était-ce son fils à elle et Andrei, ou son fils à elle et Arvo? Je sais pas, moi. Tu ne sais pas? Est-ce que tu lui transmets cette incertitude ou est-ce que tu fais le choix de l'un ou de l'autre? C'est le souvenir que tu lui insiffleras alors. Soit l'incertitude aurait-elle fauté avec Arvo, soit la certitude, elle a fauté avec Arvo. C'est-à-dire fauté, c'est-à-dire un moine orthodoxe est voué au célibat. Ah oui, en plus, ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ce petit détail. Et donc, il ne saurait avoir de rapport charnel et a fortiori un enfant. Ça, c'est pas moi. Ou est-ce l'enfant d'Andrei, le vagabond qui a disparu sur le front il y a bien des hivers. On va dire que c'est son enfant à lui, hein. C'est l'enfant d'Andrei. Je pense, oui. Et oui, on va dire que c'est lui. Et on va dire. Alors pourquoi... Arvo l'a-t-il pris dans sa sacristie et en a-t-il fait son enfant de cœur favori? Pourquoi l'a-t-il recueilli? Parce qu'il s'entendait bien avec sa mère. Je ne le sais pas, moi. Je sais pas. Oui, je pense, oui. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Oui. Qu'as-tu d'autre à lui dire sur Andrei, Arvo ou Dimitri? Bah, c'est bon, je pense. Je pense qu'il y a un autre à dire. Dimitri, fils d'Andrei Rublev, le peintre d'icônes. Moine venu de la Slavosie tsariste. Lorsque la cuisine de la vieille dame embaume de l'odeur chaude et rassérénante du pain cuit à point, lorsque la croûte a doré tu peux le sortir du poêle et lui donner sa prosphora. Je vais lui donner. Que lui dis-tu en lui donnant? Tu te tournes vers le poêle avec l'appel, tu attrapes le pain tout chaud, tout doré, où émerge très nettement la croix bien formée. Oh, il est trop beau pour être vrai. Tu te retournes. Dans la petite maison de bois qui abrite la vieille Irina, tu vois la fenêtre entrouverte qui laisse entrer une branche d'aubépine en fleurs, ces mêmes fleurs qui t'avaient marqué ce matin, lorsque tu t'es approché de la vieille femme. Et là où elle se tenait sur son vieux tabouret, près de son grabat, son lieu inconfortable, ménager au sol pour qu'elle n'ait plus à gravir l'échelle loin de la vermine. Il n'y a qu'un monceau de tissu, de caftan. Et mâchonnant ta prosphéra, un jeune homme blond comme les blés, blême, livide presque, aux lèvres épaisses, à la mâchoire légèrement protubérante, qui te regarde intensément. Merci, sœur Valéria. Je suis pas Valéria. Je m'appelle pas Valéria. C'est gentil de dire merci, c'est poli, mais je suis pas Valéria, je ne m'appelle pas comme ça. Et c'est bien ainsi que, auprès de nous, le bon père Arvo vous a introduit, ma sœur. Mais je ne me nomme pas comme ça. Ce n'est pas mon vrai prénom. C'est celui que vous C'est une sorte de pseudonyme. Celui que vous avez pris lorsque vous êtes entré dans les ordres. Vous vouliez me dire votre vrai nom ? Eh ben, c'est... Oui. Et là, son visage semble transmué par ce mâchonnement... involontaire qui le saisit. Vous me rappelez quelqu'un à vous, mais c'est pas grave. Mon nom est Leslie. Voilà, c'est bon, vous connaissez mon vrai prénom. Si vous voulez, en quelque sorte, Valéria est un nom de protection, en quelque sorte. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un pseudonyme. Et le petit gamin se tient devant toi, couvert... des algues qui forment comme une robe. Mais tu es notre grande sœur, Leslie. Oui, je crois. Dis-moi, tu t'appelles comment? Juste pour savoir, mais maintenant que tu sais mon prénom. Mais tu es notre grande sœur, Valéria. C'est celle qui nous mènera à la victoire sur les Ouros. Oui. C'est ce que dit la prophétie. Oui. Et il est pris de petits tremblements. C'est quoi ton prénom, petit? Mon prénom, c'est Dimitri. Tu peux me suivre, Dimitri? Bien sûr, je vous suivrai partout. Tu vas aller ma revoir. Bonne sœur. Tu vas aller revoir ta maman. Ma maman, c'est toi, Valérie. Non, je ne suis pas ta maman. Tu es ma bonne mère, tu es ma bonne fée. Non, je ne suis pas tu ta maman. Tu m'as tiré des eaux. Oui, mais je ne suis pas ta vraie maman. Où j'étais. Vous savez quoi, toi, et ta vraie mère? J'étais en. Et tu sens son poids comme s'il t'attirait dans le sol vers la paillasse et le caftan qui gisent au sol. Tu n'as plus l'eau blanche sur toi, sur ton poignet. Il y a les entrelacs d'algues qui viennent jusqu'aux jointures de tes doigts. Et il y a qui se tient devant toi. Oh ma douce, oh ma sœur, comme vous m'avez fait chaud au cœur. C'était une hallucination. Vous m'avez offert de revoir en majesté mon petit Dimitri. Et vous portez en vous tout l'avenir de la communauté. Vous avez redonné son lustre à l'icône de l'esprit chou qui nous protège des ouros. Oui. Il faudrait faire... Vous êtes une sainte. Non, je ne suis pas sainte. Vous êtes la sainte. Non, alors là... Elle se tourne vers le mur gris qui est derrière elle où est placé un vieil almanach aux feuilles rancies. C'est le 9 de charnier. Je suis pas une sainte, madame. Je suis pas sainte du tout. Ah, mais en ce jour, tu m'as redonné l'espoir à moi, vieux sac d'os promis à la dernière. Vous n'êtes pas un sac d'eau, madame. Non, mais je sens en moi la forêt qui enfle. Le bois, je dois vite sortir de là. Pourquoi ? Les branches rentrent dans ma peau. Mes pieds s'enfoncent dans le sol. Qui s'enfonce, elle tend sa main vers toi. Madame, restez avec moi, s'il vous plaît. Hein. Et l'horizon disparaît. Ne mourrez pas, madame. La forêt rétrécit tout autour de moi. Elle ferme tous ses yeux. Madame, c'est une hallucination. Elle ferme tous ses yeux. Oh. Je t'ai dit, ma sainte. Et elle te tend le feuillet qui était... Et elle s'effondre. Madame, vous essayez de pas mourir. Bon, au moins, elle a le souvenir de son fils, ça, c'est déjà bien. Mais bon. Et c'est quoi le feuillet ? Le feuillet, c'est le feuillet de l'éphéméride, le 9 de charnier. Et le saint du 9 de charnier, c'est Valéria. Je suis pas sainte. Et je ne m'appelle pas Valéria. Ce n'est qu'un pseudonyme. Le corps est à tes pieds. Je ne l'ai pas tué. Bon, c'est pas des trucs bizarres. Cette fois, je ne l'ai pas tué. À qui parles-tu ? Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Mais tu vois le corps bouger. Madame, vous avez... Craquer. Je vais partir d'ici. Tu vois... Peut-être qu'elle a fini. Lorsque tu t'éloignes et quittes sa demeure, tu vois une main qui sort au milieu du dos. Restons rationnels. Peut-être qu'elle a fini de muer. Non, c'est pas possible ça. Non. Je regarde par la fenêtre. D'une façon pas du tout discrète. Quand tu regardes par la fenêtre, tout. Il y a un gamin dont tu connais fort bien le regard, qui se tient à la fenêtre, qui te regarde. Valéria, je suis là. Tu m'as libérée. C'est qui? C'est le jeune Dimitri qui se tient... Mais pourquoi t'as tué ta mère? Tu m'as sorti de la gang. C'était un leurre, ce n'était pas son vrai fils. Je ne sais pas, je ne comprends rien du tout à ce qui vient de se passer. Tu lui fais le signe comme ça? Non. Tu lui fais un signe de croix devant? Non, je recule d'un pas, c'est tout. Il écarte la branche d'aubépine. Il dit, j'ai souvenir qu'on se tenait par la main. Oui, lâche-moi la main. Je m'appelais Andrei. Et tu t'appelais ni Valeria, ni Leslie alors. Hein, Irina? Laisse-moi tranquille, c'est une hallucination. C'est une hallucination collective. Et tu me disais de ne pas prendre les voies déchues pour aller lutter contre les ours, pour aller lutter contre l'obscurantisme. C'est-à-dire que je vais finir une araignée? Non, non, c'est une hallucination. Je me souviens que tu étreignais ma main avec passion. Mais je sais que ce n'était pas vraiment toi. C'est mon souvenir. Mais c'est un de tes souvenirs, c'est ça. C'est mon souvenir que je vois en toi. Mais tu as le don de faire ressurgir mon passé. Oui, c'est ton passé, oui. Pourtant, t'es jeune, hein. Pardon. C'est ton passé. Il tient ta main de sa toute petite main. Il a peut-être 600 tout au plus. Il devrait avoir de petites dents de lait. As-tu des petites dents de lait? Non, tu as deux grandes crocs comme ta mère. Il te regarde avec intensité. Son regard est un peu perdu. Ici la terre? Je peux pas faire. J'ai des gants. Et il dit: m'accompagneras-tu sur les chemins pour affermir ma conviction? Je sais. Irons-nous pas. Ensemble? Faut que je. Faut juste que j'emmène mon armée de 15 enfants. Je serai un soldat du vieux sur ton parcours. D'accord. Bah, ta foi est chevillée. Ma foi est chevillée à ton âme, car ton âme est multiple. Tu es Valeria. Pourquoi tout le monde me surestime à chaque fois? J'en ai marre. Pourquoi te surestimes-tu? Non, c'est les autres qui me surestiment. Je sais que si je suis tes conseils et si je suis le chemin que tu traceras, nous saurons écarter l'ombre qui se profile sur nos communautés. Alors je pourrais guider toutes ces brebis égarées, car tu as la vraie foi, la seule qui compte. Surestimation. Bon. Tu me regardes comme ça, tu me fais peur. Et il te regarde avec intensité. Tu as l'instant, tu vois, là j'ai vu, tu te tenais et il t'invite comme ça à se rapprocher de toi, et de lui, pardon. Il te fait légèrement pivoter et tu te retrouves à côté de lui. Il te tient par la taille et te dit: regarde. Et il te demande de regarder vers le buisson d'aubépine. Et il dit: là se trouvait ta tête. Et là, comme si tu avais une couronne de fleurs autour de la tête. C'est la couronne de la victoire, une couronne d'aubépine que tu vas nous aider à cueillir. Mais tu ne seras pas seul. Nous sommes innombrables, nous sommes légion pour t'accompagner. Ok, d'accord. Et on en parle de la femme qui est morte juste avant que tu sois là? Non? Non. Elle n'est pas morte. Elle est où? Elle se tient devant moi. Non? Aussi, t'es ma maman, T'es ma mamie. Non, je suis pas ta maman, je suis pas tu ta maman. Tu es la sœur Valéria. Et je sais que tu es sur tous les soins. Et tant que je resterai auprès de toi, vous serez toutes là. Et moi, je pourrai être un bon soldat. Un soldat du vieux. Ah, je n'ai pas de fusil comme le Heli. Moi, je me contente de pinceaux et de couleurs. Et sur l'étoile, je vais répandre ces couleurs. Et ces couleurs vont se répandre sur le monde et éloigner les ténèbres. Acceptes-tu de cheminer avec moi? Oui, on verra. Leslie, Valéria, Irina, qui que tu sois, vous avez toutes ce même sourire et cette même vie qui bouillonne en vous. Et toi, tu as la couronne de la victoire, la couronne d'Aubépine qui ceint ton front. Et ce grand sourire, ce toujours sourire affiché sur tes lèvres, même lorsque ce sont de vilaines couleuvres qu'on te demande d'avaler. Bon, je vais appeler les autres, ok? Comme tu veux, moi je pense qu'on peut plus finir là, je pense, non? À moins que tu aies d'autres choses, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter. Là, c'était l'instance du Horla que tu as vampirisé. Et donc, je joue, puisque tu as fait l'offrande, ce que tu récupères en grès. Par contre, lequel? 4 et 3, 7. Oh mon dieu, j'ai bien fait de jouer ça. Ah oui, là on pourra aller n'importe où là. Xavier va être content la prochaine fois. Dire qu'il aurait pu faire une belle série. Je trouve vraiment ça dommage qu'il n'ait pas voulu jouer. Est-ce que ça t'a convenu? Non, c'était bien. Dis-moi ce que tu as regretté. Ah, attends, je vais couper ça. Tout va bien. T'inquiète pas, c'est juste moi qui ai fait une bêtise. Hop, c'est bon. Du coup, je ferai intervenir les deux personnages. C'est carte full ? Ah non. Je ferai intervenir les deux personnages plus tard, du coup. Alors, quel personnage le... Ce que je te parlais avant. Alors, vas-y, parle-moi un peu, s'il te plaît. Bah, en fait, je voulais faire juste des personnages un peu mythologiques, pas mythologiques, mais des légendes en quelque sorte. Et après, si tu veux, tu pourras les faire intervenir. Bah voilà. Alors, dis-moi un peu plus sur les deux. Bah, le cerf d'encre, en fait, ça serait une espèce d'entité qui se nourrirait des cauchemars, en fait. Et c'est pour ça que quand il est pas loin, les enfants ou les adultes, hein, ne font plus de cauchemars, parce qu'en fait les cauchemars soit le fuient, soit se font en quelque sorte consommer par lui. L'énergie des cauchemars voilà. Donc c'est le cerf. Peut-être une des icônes que tu aurais trouvé dans le grand cerf qui protège lorsque tu as cherché à raviver l'icône pour répondre à la demande singulière de la vieille Irina. et faire surgir Dimitri, tu as trouvé une représentation et je suggère, pour aller en ton sur ton avec ce que tu viens d'évoquer, c'est qu'au contact de l'icône, tu rentres en contact avec cette entité et qu'après, Leslie, Valeria, Irina nous parlent de cette entité et comment par exemple justement elle a congédié Irina, Valeria et tutti quanti pour ne faire que ce que tu vois. Est-ce que ça te convient comme arc narratif ou proposition d'instance? Et l'autre Alors celui-ci n'est pas tout sympathique en fait. Je sais pas si je vais. Elle sera partout dans le monde ou seulement dans un seul village en fait. C'est juste que. Déjà le nom c'est les sifflements de la nuit. Et en fait, c'est à une certaine heure, il faut pas que les enfants ou les adultes, ça fonctionne pour les deux, ne regardent le sifflement. Je sais que c'est compliqué, mais vers une certaine heure, on entend un sifflement dans la nuit. C'est pour ça que les parents font des volets avec une clé pour pas que les enfants curieux aillent voir. Mmh. Et ce sifflement... Dès que tu le regardes, en fait, ça dépend. Soit tu disparais, tu te fais oublier. Soit tu... C'est compliqué. Soit, en quelque sorte, tu n'as plus de sentiments, tu t'es plus là, en fait. Tu, littéralement, ton âme quitte ton corps, mais en fait, tu es un robot, après, en quelque sorte. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc tu pourrais le mettre en scène dans une instance suivante. J'ai peur de faire peur. J'ai peur de faire peur à Xavier. Non, bah non, vas-y. Alors après, donc tu pourras, par exemple, jouer toi ton instance, puisque là on a joué que la tienne et que celle du Orla, elle a été volée par ton offrande. Dans une instance, tu pourras très bien soit le personnifier comme un Orla, c'est-à-dire l'instance de retour, c'est toi qui la joues, pour mettre en œuvre ce sifflement dans la nuit. Tu choisis le décor et tu l'incarnes avec ce sifflement dans la nuit. Ou, là encore, on peut utiliser la ressource du vous, le vous. Alors, je crois que je ne l'ai pas encore, ouais. Je ne l'ai pas mis ici, mais j'en ai une représentation. Et sur mon téléphone, c'est un serpent, dans le même cadre, avec le même registre iconographique. Donc, ça pourrait être utilisé en ton sur ton. Est-ce que, dans ton instance, tu avais toute la gentilité que tu souhaitais? Oui. Est-ce que l'histoire t'a convenu? L'histoire qu'on a contée tous les deux, ça t'a plu? Oui. Moi, j'ai essayé de ne pas m'enfuir directement, en fait. Voilà, j'ai essayé d'être un peu indulgente. Indulgente, oui. Qu'est-ce qui t'a gêné ou déplu dans ce que nous avons joué? Y a pas vraiment de choses qui m'ont déplu ou qui m'ont gêné. Hein. Franchement, ça a été plutôt fluide, je trouve. Et c'est assez passé, hein, et j'ai offert, je sais pas trop ce que j'ai offert, mais j'ai offert quelque chose, voilà. Ouais, t'as quand même, tu lui as redonné t'as libéré Dimitri. J'ai redonné la vie de Dimitri. J'ai quoi à ressusciter des gens, là. Alors, est-ce que tu as une robe blanche, maintenant? Une quoi? Est-ce que tu as une robe blanche? Plutôt que ta tenue d'algue. Est-ce que cette robe tissée par Irina, tu l'as encore? Une robe. C'est pas grave. je sais pas. On verra ça dans une autre partie. Je ne sais pas. Tu nous diras... Est-ce qu'il en reste? Dans une autre partie. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais ajouter? Une précision Moi, personnellement, non. À part que j'ai bien aimé la partie. Voilà. Voilà, le silence. Le quoi? Le silence.